Tu t'appelles Michel et tout le monde t'appelle Michou. Mich, ou parfois même Mich-Mich. À Pâques, comment s'appellera ton œuf en chocolat, Jeff de Bruges? Eh oui, avec Jeff de Bruges, on peut faire inscrire gratuitement son prénom ou son surnom sur un délicieux œuf en chocolat. À partir de 13 euros l'œuf de Pâques personnalisé. Jeff de Bruges, le plaisir a un nom et un prénom. En boutique, en click and collect et par coursier. Rendez-vous sur jeffdebruges.com. Pour votre santé, évitez de grignoter. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, assaut sur le Capitole quand l'Amérique vacille. Le 6 janvier 2021, alors que le long processus électoral américain touche à sa fin, le président sortant et perdant du scrutin, Donald Trump, mobilise des dizaines de milliers de supporters. Ce rassemblement, le jour même où les élus du Congrès se réunissent au Capitole pour entériner la victoire de Joe Biden, va provoquer un séisme aux États-Unis. À la suite du meeting, près de 2000 partisans du président sortant et sorti décident de prendre l'assaut, l'un des symboles les plus importants de la démocratie américaine. Durant plus de 3 heures de ce qu'il faut bien appeler une insurrection, plusieurs centaines d'entre eux vont déstabiliser le processus démocratique. Ce 6 janvier 2021, sous les yeux du monde entier, l'Amérique est peut-être passée tout près d'un coup d'État. Résultat, au lieu d'être banni de la vie politique, le coupable de cette forfaiture est de nouveau candidat à la Maison-Blanche pour novembre prochain et déjà quasiment désigné pour porter les couleurs de son parti à la conquête de la Maison-Blanche. Notre invitée aujourd'hui, Laurence Nardon, chercheuse et directrice du programme américain LIFRI, l'Institut français de relations internationales. Elle signe la préface du rapport de la commission d'enquête du Congrès américain sur les événements du Capitole. Affaires sensibles, une émission de France Inter. Récit documentaire, Gaspard Valu. Rédaction en chef, Franck Cognard. Attaché de production, Rebecca de Nantes. Réalisation, Hélène Bizion. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Mercredi 6 janvier 2021, Washington. Il est 16h quand le président américain sortant, Donald Trump, sort du bureau ovale et prend la direction de la roseraie de la Maison-Blanche, devant l'aile ouest de la résidence présidentielle. Il a le visage fermé. Ses conseillers lui répètent les mots-clés qu'il doit prononcer dans le discours qu'il s'apprête à enregistrer. Sur la pelouse, l'équipe technique est prête, la caméra est allumée. Trump est tendu. Ce jour-là, la capitale américaine est en proie au chaos. À un peu plus de 3 km de là, des milliers de ses partisans ravagent l'un des plus importants bâtiments de la démocratie américaine, le Capitole. Depuis plus de 3 heures, ils tentent de stopper le processus démocratique qui doit sceller la défaite du candidat Trump. Installé sur sa marque, ce dernier enchaîne les prises. Mécontent du texte rédigé par ses conseillers, Trump s'y reprend à plusieurs fois. Et même si l'heure est grave, il reste fidèle à lui-même et refuse toujours de concéder la défaite. À 16h17, sa prise de parole est postée sur son compte Twitter. Je sais que vous êtes blessé, que vous avez mal. Nous avons eu une élection qui nous a été volée. Un raz-de-marée, et tout le monde le sait, surtout le camp adverse. Mais vous devez rentrer chez vous maintenant. Nous devons retrouver la paix. Nous ne voulons pas de blessés. C'est une période difficile. Il n'y a jamais eu de période aussi difficile où de telles choses se passent, où ils peuvent se permettre de nous voler l'élection comme cela. De la voler à moi, à vous, à notre pays. Cette élection a été frauduleuse. Mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens-là. Nous avons besoin de paix. Donc rentrez chez vous, nous vous aimons. Vous êtes spéciaux. Je sais ce que vous ressentez, mais rentrez chez vous en paix. La publication de cette vidéo marque le dénouement d'une journée folle qui a vu la démocratie américaine vaciller. Une journée dont beaucoup se sont étonnés, mais qui pourtant semblait déjà écrite depuis plusieurs mois. Regroupés, ne portant ostensiblement aucun masque, ils sont venus défier le confinement de leurs États. Dans un concert de klaxons, du Minnesota au Michigan, de l'Oregon en Californie, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Sur les banderoles, des messages chers à la rhétorique très conservatrice. Les experts ont tort, les emplois sont essentiels, le gouvernement ne l'est pas. La vie des Noirs compte. Plus qu'un slogan, le nouvel hymne de toute une partie de l'Amérique. Il s'était donné rendez-vous, une foule dense envahit les rues de la capitale fédérale américaine. Des manifestations qui ont eu lieu un peu partout dans le pays. L'Amérique est à cran. La crise du Covid et sa gestion chaotique par l'administration Trump font monter la colère au sein d'une population qui rejette avec violence les nombreuses restrictions sanitaires, tout comme les absurdités de Trump, quand il prône par exemple d'injecter de la javel aux gens contaminés. Bêtise crasse ou provocation, allez savoir. Un président ne devrait pas dire ça. Et puis il y a les tensions ravivées par la mort de George Floyd, tué le 25 mai 2020 à Minneapolis par des policiers racistes et assassins. Les nombreuses manifestations qui s'ensuivent insufflent une nouvelle dynamique au mouvement Black Lives Matter. Dans ces protestations contre les restrictions sanitaires, comme lors des défilés contre les violences raciales, des milices d'extrême droite et de suprémacistes blancs font leur apparition. Depuis le début de l'année 2020, près d'une vingtaine de rassemblements ont donné lieu à des confrontations entre militants contre les injustices raciales, forces de l'ordre et miliciens d'extrême droite, souvent armés. C'est dans ce contexte explosif que doit se tenir l'élection présidentielle du 3 novembre 2020. Un scrutin à haut risque qui oppose le président sortant, Trump, au candidat Joe Biden. À l'été 2020, rien ne permet encore de dire qui sortira vainqueur de ce duel. Si la gestion catastrophique de la crise sanitaire représente un levier pour le camp démocrate, les républicains, eux, peuvent compter sur un président prêt à toutes les outrances pour galvaniser sa base électorale. À l'image de ses 4 années de mandat, Donald Trump multiplie les invectives en direction du camp adverse. Il se montre également disposé à relayer les nombreuses théories complotistes qui circulent au sein de certains cercles militants. Une en particulier semble être au cœur du discours du président à l'approche des élections, celle de la fraude électorale à venir. Dans son viseur, le vote par correspondance, déjà en place depuis longtemps, il s'annonce massif en raison de la pandémie. Le président américain et son entourage savent que ce vote est plébiscité par les démocrates, dont la participation risque de battre des records. Dans les semaines qui précèdent les élections, Trump multiplie les messages en lettres capitales sur son compte Twitter et appelle à bannir ce mode de scrutin. À chaque apparition publique, il s'en prend au camp démocrate qu'il accuse de mettre en place une improbable machination visant à voler l'élection au peuple américain. Mais la manœuvre n'étonne personne. On redoute en revanche l'attitude de Donald Trump en cas de défaite. Le 23 septembre, quelques jours seulement avant l'ouverture des bureaux de vote, un journaliste présent à la Maison Blanche l'interroge. Monsieur le Président, quoi qu'il se passe lors de l'élection, pouvez-vous vous engager aujourd'hui à garantir un transfert pacifique du pouvoir? Il y a eu des émeutes à Louisville, des émeutes dans de nombreuses villes à travers le pays. Allez-vous vous engager en faveur d'un transfert pacifique du pouvoir? Il faudra voir ce qu'il se passe. Vous savez, je me suis beaucoup plaint des bulletins envoyés par correspondance. Ces bulletins sont un désastre. Nous voulons nous en débarrasser et nous aurons un transfert. Enfin, franchement, il n'y aura pas de transfert. Il y aura une continuation. Cette question des bulletins est hors de contrôle, vous le savez, et vous savez qui sait mieux que les autres ? Les démocrates. Autre question, allez-y. Dans les jours qui suivent, le président américain refuse toujours de s'engager à garantir un transfert pacifique du pouvoir en cas de défaite. À Washington, la proximité du camp Trump et de certains de ses conseillers avec les milices d'extrême droite, comme les Proud Boys et les Oath Keepers, inquiète. Lors d'un débat face à Joe Biden, Trump est sommé de condamner les miliciens. Il se contente de leur adresser un message. « Proud Boys, tenez-vous à l'écart, mais tenez-vous prêts. » Comme ça, c'est clair. On est loin, bien loin de la condamnation des intimidations et des violences commises ces derniers mois par ces hommes qui arpentent les manifestations armées de fusils mitrailleurs, comme des milices. Sur les réseaux sociaux utilisés par l'extrême droite, les responsables répondent même à l'appel du président. Nous nous tenons prêts, monsieur. Tel est le climat lorsque les Américains se rendent aux urnes ce mardi 3 novembre 2020. Malgré des tentatives de pression de militants républicains dans quelques bureaux de vote, le processus suit son cours. Dans les premières heures du décompte des voix, c'est sans surprise que Donald Trump obtient une avance conséquente. Mais il faut rester prudent. Les conseillers de la Maison-Blanche l'ont averti face à la théorie dite du mirage rouge. Les règles électorales imposent en effet de dépouiller d'abord les bulletins déposés directement dans les urnes avant de compter ceux envoyés par courrier. Or, on le sait, les républicains ont massivement boycotté le vote par correspondance. Ce n'est que dans les heures, voire les jours qui suivent, que les résultats auront réellement un sens. Mais en coulisses, certains conseillers de l'ombre du président ont déjà défini la stratégie à adopter. Dans le rapport de la commission d'enquête du Congrès américain sur les événements du 6 janvier 2021, des propos de Steve Bannon, l'idéologue d'extrême droite aux manettes de la campagne de Donald Trump en 2016, laissent penser que tout est déjà prévu. Dès le mois d'octobre, en effet, il expose le plan des proches. Ce que Trump va faire, c'est proclamer la victoire. Il va déclarer la victoire, mais ça ne veut pas dire qu'il est le vainqueur. Oui, mais il faut surfer sur le mirage rouge et en profiter. Conformément au plan imaginé par certains proches, mais contre l'avis de la plupart de ses conseillers, Donald Trump prend la parole le 3 novembre, en fin de soirée. Durant une conférence de presse surréaliste dont il a le secret, il affirme qu'il est bien le vainqueur. Il faut dès lors stopper le décompte des voix. Je veux remercier le peuple américain pour ce soutien. Des millions et des millions de gens ont voté pour nous ce soir. Mais un groupe de personnes tente de les priver de leurs droits. Nous ne les laisserons pas faire. Nous nous tenions prêts à gagner cette élection. Et franchement, nous avons gagné cette élection. This is a major fraud in our nation. So we'll be going to the US Supreme Court. We want C'est une fraude majeure contre notre nation. Donc nous allons saisir la Cour suprême. Nous voulons que le décompte soit arrêté. Nous ne voulons pas qu'ils trouvent des bulletins à 4h du matin et les ajoutent au décompte. C'est un moment très triste. Mais nous allons gagner et d'ailleurs, en ce qui me concerne, nous avons déjà gagné. Je vous remercie. Cette déclaration de victoire est réitérée dès le lendemain matin. Pourtant, et alors que le décompte se poursuit, l'issue du vote est de plus en plus claire. Le 7 novembre, plusieurs médias, dont le très droitier Fox News, annoncent que c'est bien Joe Biden qui remporte la présidentielle. Mais Trump, lui, campe sur sa position et ne compte toujours pas reconnaître sa défaite. La plupart des dirigeants de sa campagne ont beau lui expliquer par A plus B que la victoire est quasi impossible, même en cas de recours massif, il s'en tient à sa stratégie. Et tant pis pour ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Le 7 novembre toujours, plusieurs responsables de campagne sont débarqués. Trump place des hommes de confiance aux postes les plus importants. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York et avocat personnel du président, dont il est un supporter zélé et outrancier, prend la tête des opérations. Il multiplie les conférences de presse surréalistes. En avocat aguerri, il enchaîne aussi les recours dans les états clés, là où une armée de juristes décèle de potentielles failles. Les militants républicains, eux aussi, sont mis à contribution. Galvanisés par le mouvement « Stop the Steal », Arrêtez le vol en français. Ils sont des millions à manifester leur colère sur les réseaux sociaux ou lors de grandes manifestations, abreuvées par la rhétorique mensongère du président et de son clan. Les milices d'extrême droite multiplient les démonstrations de force et tentent de bloquer le processus démocratique. Pour coordonner leur action, c'est cette fois Roger Stone qui est sollicité. Ce consultant en politique proche des républicains les plus conservateurs est bien connu des Américains pour ses prises de parole souvent grossières et ses positions radicales. You wanna fight? Let's fight. Fuck you. Fuck you and your abortionist bitch daughter. Proche des Proud Boys, le consultant Roger Stone est l'un de leurs plus fervents soutiens. Il le rejoint même lors du siège du Capitole de Géorgie, un état clé, où l'état-major de Trump pense pouvoir faire basculer l'élection. C'est d'ailleurs ici que le président sortant va concentrer ses efforts dans les premiers jours de janvier pour tenter de faire basculer l'État dans le camp républicain. Lors d'un coup de fil rendu public, durant plus d'une heure, Donald Trump va demander au secrétaire d'État de Géorgie de lui trouver 11 780 voix. En vain. L'échange a duré une heure. D'un côté, Donald Trump, ses avocats et certains de ses conseillers. De l'autre, le secrétaire d'État de Géorgie et son avocat. Comme il le fait depuis des semaines, le président américain dénonce les résultats de la présidentielle. Il énumère ses théories de fraude et appelle le responsable républicain à soutenir ses efforts pour contester les résultats. Encore et encore, Brad Raffensperger réfute les allégations du président, mais Donald Trump insiste et va plus loin dans ses pressions, appelant même à renverser les résultats. All I want to do is this. I just want to find 11,780 votes. There's nothing wrong with saying that you've recalculated. We have won this election. Mais le temps passe et le clan Trump continue de se heurter à un mur. Les recours sont rejetés les uns après les autres. Plus rien ne semble pouvoir empêcher la victoire de Joe Biden. Malgré tout, l'équipe juridique du président garde un espoir. Le 6 janvier, le Congrès doit réunir ses deux chambres pour entériner les votes état par état et procéder au décompte des grands électeurs. C'est la dernière étape du long processus des présidentielles américaines. Et certains conseillers pensent qu'il s'agit du dernier moment où il est possible d'agir. Les élus pro-Trump seront donc sollicités pour bloquer le processus. On compte également sur le vice-président Mike Pence pour empêcher la validation des résultats. On mise aussi sur la rue et la colère populaire. Dès le 14 décembre, Trump commence à mobiliser ses troupes. Sur son compte Twitter, il annonce la tenue d'un grand rassemblement à Washington le 6 janvier. Baptisé Save America, cette manifestation s'annonce comme le baroud d'honneur de l'Amérique de Donald Trump. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Trump et l'assaut sur le Capitole. France Inter, Affaires Sensibles. Le soleil brille à Washington en ce mercredi 6 janvier 2021. Depuis la veille, la capitale fédérale des États-Unis est en ébullition. Plusieurs dizaines de milliers d'Américains ont répondu à l'appel de Donald Trump. Dans les rues, les casquettes rouges « Make America Great Again » sont légion et les pancartes « Stop the Steal » sont partout. Il est un peu plus de 9h du matin lorsque le rassemblement « Save America » débute. Installé dans un parc juste devant la Maison-Blanche, la grande scène protégée par d'immenses panneaux de verre blindés est prête à accueillir toute une série d'orateurs de premier plan. Dans la foule, des milliers de bannières étoilées, de drapeaux confédérés flottent aux côtés d'affiches Trump 2020. L'ambiance est plutôt bon enfant. Sur fond de chansons populaires, les reporters présents sur place interrogent de nombreux militants républicains venus en famille. Les supporters de Trump entonnent à intervalles réguliers des slogans contre le vol de l'élection. Mais rien ne laisse présager que la situation puisse déraper. Or, le ton va vite changer. Vers 9h, un élu pro-Trump de l'Alabama monte sur scène. Il est le premier à ouvrir les hostilités. Son discours est véhément. Il harangue la foule, incite les manifestants à sauver l'Amérique et assure qu'il est temps de rayer des noms. Un peu plus tard, c'est Rudy Giuliani qui prend la parole. Dans ce style outrancier dont il a le secret, il développe sa rhétorique guerrière, s'en prend au camp démocrate, renchérit sur l'élection volée. Selon lui, l'heure est venue de régler cette histoire par le combat. Who hides evidence? Criminals hide evidence. Let's have trial by combat. À un peu plus de 3 km de là, les élus du Sénat et de la Chambre des représentants sont réunis dans l'enceinte du Capitole. Les deux assemblées doivent donc procéder au décompte des grands électeurs et valider définitivement l'élection de Joe Biden. Comme le veut la tradition, mais sans que cela ne de valeur juridique, c'est Mike Pence qui préside la session, le vice-président. Comme prévu, les élus pro-Trump commencent à ralentir autant que possible le processus. La journée s'annonce longue. Il est près de midi lorsque celui que tout le monde attend se présente sur scène. Trump fait face à une foule toute acquise à sa cause. Une intervention captée par les médias du monde entier. Nous tous qui sommes ici aujourd'hui, nous ne voulons pas voir notre élection volée par ces démocrates de la gauche radicale, volée par ces médias fake news. Nous ne renoncerons jamais, nous ne concéderons jamais la défaite. Il n'y a pas de concession quand il y a vol. Et pour reprendre un terme que vous avez trouvé, nous arrêterons le vol. Et après ça, nous allons marcher, et je serai avec vous, nous allons marcher vers le Capitole. Vous ne pouvez pas être faible pour récupérer notre pays. Il faut faire preuve de force, il faut être fort. Durant son discours de plus d'une heure, sans note et dans un style qui lui est propre, l'incendiaire se montre toujours aussi déterminé. Il en appelle à Mike Pence pour mettre fin à cette mascarade, alors que même que le vice-président ne peut légalement rien faire. De digression en digression, Trump souffle sur les braises, vise les démocrates, tout comme les élus de son propre camp qui refusent de le suivre. Une heure de discours, durant lequel il prononce plus de 20 fois les mots « battre » et « bataille », 13 fois « enfer », 7 fois « force », 6 fois « détruire », 5 fois « mort » et une fois « massacré », le ton est donné. Lorsque la fin du discours approche, le futur ex-président incite ses militants à marcher en direction du Capitole pour faire entendre leur voix et, dit-il, sauver la démocratie américaine horriblement menacée par les démocrates, c'est bien connu. Et certains sont venus allumer la mèche avant même que le chef ne le fasse. Plus d'une centaine de Proud Boys sont déjà devant le Capitole. Ils ont troqué les habits militaires pour des tenues civiles plus discrètes. Ils échangent par radio sur des messages cryptés. Il est 12h53 quand les premières barrières sont renversées par des émeutiers chauffés à blanc. La police, sans sous-effectif, ne peut rien faire. Et très vite, les premiers militants sont rejoints par des centaines de manifestants venus du meeting de Trump. Aux entrées est et ouest du bâtiment, l'attroupement grossit à vue d'œil. Grâce aux réseaux sociaux et aux chaînes d'information, les images des manifestants pro-Trump amassés sur les pelouses et terrasses du Capitole font le tour du monde en quelques minutes. Vers 14h, des membres des Proud Boys s'écartent de l'attroupement principal. Équipés d'un bouclier anti-émeute, l'un des leaders du groupe commence à fracasser une fenêtre. Elle cède à 14h13. Une brèche se crée et un premier groupe pénètre dans l'enceinte du Capitole. Immédiatement avertis, les responsables de la sécurité évacuent le vice-président ainsi que Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, opposante de longue date à Donald Trump. Et les sessions sont suspendues. Les premiers émeutiers progressent rapidement dans l'enceinte du bâtiment. Moins de 2 minutes après leur incursion, les portes du Sénat et de la Chambre des représentants sont barricadées et gardées par quelques officiers armés. Les élus sont pour l'instant bloqués à l'intérieur. Interrogé par des journalistes du Washington Post lors d'une enquête sur ces événements du 6 janvier, l'élu démocrate du Michigan, Daniel Kildee, raconte. J'ai appelé ma femme. Dès que j'ai entendu sa voix, je me suis demandé si j'étais en train de passer ce genre de coup de fil. Vous savez, quand l'avion s'écrase, que le bâtiment est en feu, est-ce qu'il s'agit vraiment de cet appel ? À 14h25, des membres des Oath Keepers, habillés en tenue paramilitaire, avancent en colonne à l'extérieur du bâtiment et parviennent à créer une nouvelle brèche. L'unique policier présent devant la porte, donnant sur la rotonde, au centre du Capitole, ne peut rien faire. Et plusieurs centaines de manifestants s'engouffrent à leur tour. Moins de 5 minutes plus tard, des émeutiers pénètrent dans le bureau de Nancy Pelosi, cible désignée par le camp du président. Dans la salle de réunion adjacente, fermée à double tour, des conseillers de l'élu démocrate se cachent sous une table. À 14h30, la plupart des élus sont évacués des deux assemblées par des escaliers dérobés. Plusieurs dizaines de manifestants envahissent alors le Sénat, tandis que d'autres tambourinent à la porte de la Chambre des représentants. 14h40, un groupe se trouve devant une porte barricadée. Ils font face à deux policiers qui tentent tant bien que mal de les contenir. Quelques instants plus tard, une unité de la police lourdement équipée se place derrière la porte. Les émeutiers parviennent à briser la vitre et Ashley Babbitt, une vétérante de l'armée de l'air de 35 ans, s'engouffre pour tenter de passer. Un policier ouvre le feu et abat la jeune femme. Dans des pièces sécurisées, les élus américains suivent minute par minute le déroulé des événements. Alors que plusieurs responsables de la sécurité veulent les faire quitter le Capitole à bord d'un bus, la plupart refusent, bien décidés à reprendre le processus de validation de l'élection. À l'abri, dans un tunnel isolé, Mike Pence refuse lui aussi de quitter les lieux. Le vice-président est convaincu de la nécessité de rester sur place. Donald Trump, lui, n'est pas là, contrairement à ce qu'il avait annoncé à ses supporters. Non, confortablement installé dans une salle à manger de la Maison-Blanche, il déjeune en compagnie de plusieurs membres de son staff, les yeux rivés bien sûr sur les écrans de télé. Appelé en renfort dès 14h30, plusieurs militaires et officiers de police arrivent sur place. Mais ils ne font toujours pas le poids. Bâtiment fédéral, le Capitole échappe à la juridiction de l'État et de la ville de Washington. Résultat, il faut plusieurs heures pour obtenir les validations nécessaires à la venue de la garde nationale. Le chaos se poursuit pendant de longues minutes dans l'enceinte du Congrès. L'insurrection est suivie en direct grâce aux centaines de participants qui se filment et qui diffusent les images sur les réseaux. Partout dans le monde, les chaînes d'information et les radios passent en édition spéciale. défi. Scène surréaliste aujourd'hui dans le Congrès américain en plein processus de certification des résultats de l'élection présidentielle. Des partisans de Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole. Éric de Salve, vous êtes en direct de Washington. Que sait-on de ce qu'il se passe actuellement ? Écoutez, je vais vous dire ce qui se passe devant moi. Des manifestants commencent à quitter le Capitole. Certains sont rentrés. Il y avait d'ailleurs des va-et-vient avec des manifestants qui rentraient dans le Capitole en criant trahison, arrêtez de voler l'élection. Et l'atmosphère est beaucoup moins tendue depuis quelques minutes, après que la police a tiré quelques gaz lacrymogènes désencerclant les alentours du Capitole. Il faut plus de 3 heures pour que les conseillers du président parviennent à le convaincre de s'adresser à ses partisans. Alors, à contre-cœur et refusant toujours de reconnaître sa défaite, il publie finalement un appel au calme à 16h17. 187 minutes se sont écoulées depuis le début de l'insurrection. Moins d'une heure plus tard, la garde nationale arrive sur place. Plusieurs centaines de militaires lourdement équipés délogent les émeutiers encore présents dans l'enceinte du Capitole. Certains déambulent dans les couloirs, tels des touristes. Les manifestants les plus violents, eux, sont déjà menottés ou se sont empressés de quitter les lieux. À la demande de Mike Pence et des élus des deux assemblées, le processus de validation de l'élection reprend en début de soirée. Il s'achève à 3h24 du matin. Je souhaite commencer par condamner les attaques contre le Capitole. Comme tous les Américains, je suis outré par les violences et le chaos qui se sont produits. À ceux qui se sont livrés à la violence et à la destruction, vous ne représentez pas notre pays. À ceux qui ont enfreint la loi, vous le paierez. Nous venons de vivre une élection intense et les émotions sont fortes, mais nous devons maintenant apaiser nos esprits et faire revenir le calme. Je continue de croire que nous devons réformer notre système électoral pour vérifier les identités de ceux qui votent, ainsi que pour restaurer la confiance populaire lors des prochaines élections. À tous mes incroyables supporters, je sais que vous êtes déçus, mais je veux que vous sachiez que notre aventure incroyable ne fait que commencer. Dans une vidéo diffusée le lendemain par les équipes de la Maison-Blanche, Donald Trump semble avoir changé de ton. Là où la veille, il chérissait les émeutiers, il condamne aujourd'hui leur violence. Dans les images non montées de l'enregistrement de cette vidéo, diffusée lors des audiences de la commission d'enquête du Congrès américain, on le voit une nouvelle fois modifier le texte écrit par ses conseillers. Si l'on comprend la volonté de son équipe de sauver les meubles, Donald Trump rechigne encore et toujours à reconnaître ses torts. Et jamais il ne concède la moindre erreur, comme jamais il n'accepte de reconnaître la défaite. L'assaut des Capitoles le 6 janvier 2021 a provoqué la mort de 5 personnes, dont un policier décédé le lendemain à l'hôpital. Plus d'une centaine d'agents ont été blessés dans leur tentative de s'opposer aux 2000 militants trumpistes qui ont pénétré dans l'enceinte du bâtiment. Aux États-Unis, cette journée d'insurrection a provoqué une vague de condamnations. Le président élu Joe Biden et des figures du Parti démocrate comme Nancy Pelosi ou Barack Obama ont fustigé l'attitude de ce président battu, mais prêt à tout pour rester au pouvoir. Comme dans une république bananière ou totalitaire, un acte de délinquance politique. Dans son propre camp, Donald Trump doit aussi faire face à de nombreuses attaques. Mitch McConnell, soutien indéfectible durant son mandat, déplore un jour noir contre la démocratie américaine. La sénatrice Liz Cheney, pourtant ultra-conservatrice, prend la tête de la très critique commission d'enquête bipartisane menée par le Congrès américain. À l'international également, les réactions sont nombreuses. En Occident, les dirigeants condamnent les violences et la déstabilisation du pouvoir. Les régimes autoritaires dénoncent quant à eux la démocratie malade d'un pays qui n'est plus en position de donner de leçons au monde. À la suite de cette journée, le Congrès américain vote un second procès en impeachment à l'encontre de Donald Trump, qui reste le premier président de l'histoire de ce pays à faire face à 2 procédures de destitution lors d'un même mandat. Il est finalement acquitté grâce à la majorité républicaine au Sénat. Au bout du compte, plus de 1200 personnes passent devant les tribunaux. Émeutiers ou proches de l'ancien président, plusieurs sont condamnés à de la prison ferme. Certains pour dégradation, d'autres pour sédition. Donald Trump, lui, échappe toujours à toute condamnation. Mais le mythe de l'élection volée s'est ancré au sein de la population. Et aujourd'hui encore, une large majorité de républicains reste convaincue que Donald Trump est bien le vainqueur de l'élection de 2020 et qu'on lui a volé cette élection. Et il n'en reste pas moins qu'il est l'inspirateur de ce qu'on peut considérer politiquement comme une tentative de coup d'État. Une affaire extrêmement grave de la part d'un ex-président au relent séditieux et pourtant, peut-être, futur président à partir de janvier 2025. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui, l'assaut sur le Capitole. Notre invité Laurence Nardon, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse et directrice du programme Amérique à l'IFRI, l'Institut français de relations internationales, et vous signez la préface du rapport de la commission d'enquête du Congrès américain sur les événements du Capitole. J'ai dit qu'on était peut-être passé, enfin que l'Amérique était peut-être passée à côté d'un coup d'État. Est-ce que le mot est trop fort ? Alors, si on a à l'esprit le film Z de Costa Gavras, on voit bien qu'un coup d'État à l'ancienne... En Grèce, en l'occurrence, ça commence par l'arrestation des responsables des médias, l'arrestation des opposants politiques. Là, il n'y a pas vraiment eu ça. Et dans cette émeute du Capitole, même si les milices, Proud Boys, etc. étaient vraiment là... Il y avait quand même un degré d'impréparation et d'amateurisme quand même assez flagrant quand on voit les images des gens qui errent une fois qu'ils sont rentrés dans le Capitole. On voit qu'ils savaient pas trop quoi faire, ils se prennent en photo les uns les autres. Il y a un côté un peu ridicule, alors même que c'était quand même très très sérieux. Donc je suis pas sûre qu'on puisse parler de coup d'État au travers de la manifestation. En revanche, il y avait une dernière tentative dans toutes celles que vous avez citées dans votre récit, les recours juridiques, le mirage rouge, etc. Il y avait une dernière tentative qui était assez sérieuse et qui était une tentative juridique. Lors de cette cérémonie de certification donc du 6 janvier, les partisans de Trump avaient envoyé 7 fausses listes de grands électeurs correspondant à 7 États dans lesquels la victoire de Biden avait été assez mince. Et ils avaient expliqué à Mike Pence qu'il allait dire qu'il y avait 2 listes qui étaient arrivées pour chacun de ces 7 États et qu'il ne savait pas trop quoi faire et que donc il n'allait pas compter ces 7 États, compter juste les 43 autres dans lesquels, si on comptait tous les grands électeurs... Trump arrivait en premier. Bien sûr. Et donc c'était ça, si vous voulez, la vraie tentative de coup d'État juridique à laquelle Mike Pence, il faut vraiment lui rendre grâce, a refusé de se plier. Le rôle de Mike Pence dans la protection de la démocratie américaine a été extrêmement important ce jour-là. Mais alors, qu'est-ce qu'ils espéraient ? Et Trump et ses partisans, il y a une élection, il y a un comptage, ils rêvaient quoi, ça ne pouvait pas changer. Oui, en effet, Trump refusait de rendre le pouvoir. Alors, on a beaucoup parlé, maintenant on a presque un peu oublié la démence de ce personnage pendant 4 ans quand il était à la Maison Blanche. Ça nous semble un peu loin. Pas forcément quand il parlait de la Javel, par exemple, on n'a pas oublié la démence, mais entre autres. C'était quand même un personnage qui, de toute évidence, souffre d'un désordre un peu narcissique de la personnalité, c'est-à-dire qu'il ne supporte pas les critiques, il veut toujours avoir raison. Et donc, le fait même d'avoir perdu l'élection, pour lui, c'était une honte totale et c'était inacceptable. D'ailleurs, il y a une des témoins dans la commission d'enquête de la Chambre dont vous avez parlé qui a dit qu'elle l'a entendu à plusieurs reprises dire « on a perdu, c'est la honte, il ne faut surtout pas que ça se sache ». Donc, il savait bien qu'il avait perdu, mais pour des raisons psychologiques, il ne pouvait pas l'admettre. Je rappelle que vous parlez peut-être là, nous parlons peut-être là, du prochain président des États-Unis. Absolument. On y reviendra. Mais est-ce que l'échec de cette tentative est finalement révélateur de la force de la démocratie américaine, de l'indépendance de ses pouvoirs ? On peut imaginer qu'un autre pays n'aurait pas supporté. Lorsque les pères fondateurs ont rédigé la Constitution américaine, c'était en 1787, ils avaient peur d'une seule chose. Ils avaient peur qu'un jour, un président ne veuille pas rendre le pouvoir et se transforme en roi. On était à l'époque, il n'y avait pas beaucoup, dans un système de monarchie un peu partout. C'était quand même la première grande république qui se fondait en 1787. Donc ils avaient peur de ça. Et ils ont installé un système de contre-pouvoir institutionnel pour éviter donc une dérive monarchiste. Et ce système-là, moi c'est en tout cas mon interprétation, il a parfaitement fonctionné le 6 janvier 2021, ou même dans les mois précédents, parce que tous les contre-pouvoirs ont fonctionné. Oui. Les juges, vous en avez parlé, ils ont tenu bon, ils ont dit que les recours étaient fantaisistes, les recours en fraude n'étaient pas sérieux. Ce Mike Pence, contre-pouvoir également, en tant que vice-président du Sénat, il n'a pas cédé aux injonctions de Trump. Il y a eu aussi des contre-pouvoirs dans les États, puisque la Géorgie, vous en avez parlé, a refusé de trouver ses 12 000 voix pour faire basculer le résultat de l'élection, jusqu'à la police qui est intervenue, la police de Virginie, qui est arrivée en premier sur les lieux le 6 janvier après-midi. Donc les contre-pouvoirs ont fonctionné, cette fois-ci en tout cas. Et quand Trump appelle finalement au calme ses partisans, c'est parce qu'il ne veut pas insulter l'avenir ? Je pense que il s'est rendu à l'évidence malgré tout. On voit bien que à plusieurs reprises dans ses tentatives de conserver le pouvoir, et c'est ça qui est étonnant, et c'est là que je parle d'amateurisme, et d'ailleurs tant mieux, il va pas jusqu'au bout du truc. Par exemple, quand vous avez parlé du mirage rouge, le fait que les résultats, dans un premier temps, donnent l'avantage aux républicains avant de se préciser, de donner la victoire à Biden. Le premier soir, il a commencé à dire qu'il avait gagné, mais en fait, il n'a pas tellement enfoncé le clou. De la même manière, après la manifestation du 6 janvier au matin, dont vous avez parlé, devant la Maison Blanche, il a pris la voiture pour se rendre au Capitole avec les émeutiers. Mais les services de sécurité qui étaient au volant ont dit « Non, monsieur le Président, on ne peut pas y aller, il faut qu'on fasse demi-tour ». Il paraît qu'il s'est un peu battu avec eux dans la voiture, enfin il n'y a pas de témoin direct, donc on ne sait pas trop. Mais la voiture a fait demi-tour, donc il n'a pas pu les rejoindre, comme il leur avait dit, pourtant le matin. Mmh. Donc oui, il a à chaque fois un peu hésité sur la fin. Mais oui, parce qu'il se dit qu'il peut se représenter 4 ans après. C'est exactement ce qui se passe. Oui, les primaires sont assez confortables pour lui. C'est tout à fait exact. Je ne suis pas sûre que ce jour-là, il se projetait déjà sur 2024. Ce n'est qu'une question. Alors, heureusement que les institutions américaines sont fortes, parce qu'il y a quand même des milices. Et quand des milices apparaissent dans un pays démocratique, c'est jamais bon signe. Là, les Proud Boys et les Oath Keepers, qui sont ces gens? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Jusqu'où ils peuvent aller? Et vous savez, les États-Unis sont un immense pays, c'est un pays continent dans lequel Washington semble toujours très lointain, un petit peu comme Bruxelles pour nous en Europe, ça nous semble un peu lointain. Et donc, il y a beaucoup d'États dans lesquels il y a des milices armés avec des projets politiques radicaux. Alors là, les Oath Keepers et les Proud Boys sont des milices d'extrême droite. Il y en a d'autres de toutes sortes. Il faut quand même pas se méprendre. C'est infinitésimal à l'échelle de l'Amérique. Ils sont quand même très très peu nombreux. Mais c'est vrai qu'ils étaient prêts. Ils avaient été prévenus dès mi-décembre par Trump qu'il y aurait cette manifestation. Ils sont venus armés jusqu'aux dents. Et quel a été leur sort judiciaire ? Ah, alors, sur les émeutiers... Alors, ces miliciens sont très peu nombreux, et même dans la manifestation, ils étaient très peu nombreux. À l'heure actuelle, ce sont des chiffres de janvier 2024, 1230 personnes ont été accusées et 750 ont été condamnées. Parmi les plus graves condamnations, il y a le chef des Proud Boys, un monsieur qui s'appelle Enrique Tarrio. Il a quand même pris 22 ans de prison. 22 ans ? Et le chef des Oath Keepers, qui s'appelle Stuart Rhodes, lui, n'a pris que 18 ans. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Laurence Nardon, on a parlé des miliciens, donc pas nombreux, mais enfin avec un effet de champ, ça paraît important. Mais il y avait surtout des monsieur et madame tout le monde, des électeurs républicains. C'est quoi leur profil et qu'est-ce qu'ils ont pris, hein? Alors, oui, il y avait beaucoup de républicains trumpistes, mais enfin des gens pas armés jusqu'aux dents et pas des miliciens. Ils étaient présents surtout à la manifestation le matin devant la Maison Blanche, et une petite partie d'entre eux a continué jusqu'au Capitole où l'émeute proprement dite s'est déroulée. Eux, ils n'ont pas pris autant que les miliciens. Ils ont été condamnés pour intrusion, trespassing, et pour dégradation de matériel. Donc ils ont pris des peines plus légères. Alors, concernant maintenant cette affaire-là et jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit de l'Amérique d'aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 4 ans, et cette appétence qui est restée pour Donald Trump au vu des résultats des primaires d'hier? Qu'est-ce que ça dit de l'Amérique? Eh bien, ce que ça dit de l'Amérique, ce maintien de Donald Trump, ce maintien absolument stupéfiant de son succès politique, ce que ça dit de l'Amérique, c'est que d'abord, il y a une partie de l'électorat républicain qui continue à adorer Donald Trump. Alors, sociologiquement, on sait que ce sont des gens de la classe moyenne peu ou pas diplômés. Et ce sont des gens qui, depuis la première campagne de 2015-2016 de Donald Trump, adhèrent à son récit d'une élite qui essaye de mettre fin à la prospérité de cette classe moyenne. Ça s'appelle le populisme. Absolument. Trump est un populiste à la fois de gauche parce qu'il veut plus du libre-échange et de droite parce qu'il veut plus d'immigration. Il raconte que les élites, l'État profond, sont contre lui, sont contre les petites gens. Ben oui. Et c'est un discours qui fonctionne extrêmement bien jusqu'à aujourd'hui. On a toujours cette différence géographique entre le Nord et le Sud. En Floride, par exemple, il y a quelques mois encore, il y avait plein de pancartes, de panneaux à la gloire de Trump, des boîtes de bonbons à la gloire de Trump qu'on trouve dans les magasins. C'est toujours la même chose ? Alors, non, en fait, les soutiens de Trump sont aussi énormément dans la Rust Belt, c'est-à-dire les États autour des Grands Lacs dans le Nord-Est, les gens qui ont perdu leur emploi avec la mondialisation. Et donc, Trump est arrivé en leur promettant monts et merveilles. Il y a une autre partie de l'électorat de Trump qui est plutôt conservateur chrétien, ce qu'on appelle dans le contexte américain, des gens qui sont, on dirait nous en France, des réactionnaires. Mm-hmm. Et eux, ils aiment Trump pour d'autres raisons. Le fait qu'il leur a promis, et il a tenu cette promesse, la nomination de juges extrêmement réac à la Cour suprême et qui ont abouti aujourd'hui à la suppression du droit fédéral à l'avortement. Est-ce que les résultats économiques qui ont été bons sous Trump et sous Biden, d'ailleurs, le PNB des États-Unis toujours le premier au monde, hein, devant la Chine avec un gap, est-ce que les Américains considèrent que c'est un bon gestionnaire, c'est un homme d'affaires? Est-ce que c'est un argument important pour lui? Oui, Trump se présente comme un homme d'affaires merveilleux. Alors, on sait que c'est pas complètement vrai parce qu'il a fait faillite plusieurs fois. Biden, lui, a mené une politique économique totalement nouvelle dans le contexte américain, puisque Biden, il faut le savoir, a mis fin au cycle réaganien néolibéral en faisant revenir un État interventionniste, oui, en politique. Absolument. Et ça, jusqu'à présent, les électeurs américains ne semblent pas tellement lui en savoir gré, parce qu'il y a eu un certain nombre de mois d'inflation assez forte, donc ça, c'est pas bon. Mais il y a un petit frémissement, aujourd'hui, début 2024, dans les sondages sur la confiance des ménages dans l'économie, on voit que ça commence à remonter. C'est-à-dire qu'il y a une adhésion à l'État-providence ? Une adhésion à l'État-providence, pas forcément encore, mais un retour à la confiance dans l'économie. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour le candidat qui est à la Maison-Blanche aujourd'hui, Joe Biden. Alors, bien sûr, il y a Trump, a toujours des casseroles judiciaires. Et les gens se disent, vu de loin, mais c'est pas possible, pas être président, puis s'il est président, puis qu'il est condamné juste avant. Il y a une espèce de confusion, là. Où en est-on ? Ah oui, alors là, les nombreuses affaires judiciaires dans lesquelles Trump est pris, c'est vraiment incroyable. Alors, juste avant, en préalable, il faut dire que chaque fois que Trump est inculpé, voire condamné, en fait, ça renforce son aura de victime, de victime des élites et de l'État profond auprès de sa base. Donc, en fait, ça n'entame pas du tout sa popularité. Au contraire. Alors maintenant, pour parler de ces affaires de manière très synthétique, il y a d'abord des affaires qui concernent sa personne privée. Il vient d'être condamné pour la corruption de la Trump Organization. Il doit payer une amende de 450 millions de dollars. Il a aussi été condamné dans une affaire d'agression sexuelle contre une dame qui s'appelle E. Jean Carroll. Il doit lui payer 83 millions de dollars. Il a fait appel sur ces deux affaires. Ensuite, il y a quatre affaires qui sont liées à son action en tant que président. Et là, ce sont des inculpations criminelles, pénales, on dirait en français. Il y a l'affaire du 6 janvier, dont nous parlons aujourd'hui. Il y a l'affaire de documents classifiés qu'il n'a pas voulu rendre. Il y a l'affaire de bidouillage de comptes de campagne en 2016 et l'affaire Stormy Daniels. Il a payé une actrice porno pour acheter son silence et il a passé ça en frais de campagne. Bon, bref. Et la quatrième et dernière affaire politique, c'est les pressions qu'il a faites, vous en avez parlé, sur les responsables de Géorgie. Sur ces quatre affaires-là, il essaye de gagner du temps pour que les procès ne se mettent pas en route. On va voir ce qui se passe dans les mois qui viennent. Mais c'est là-dessus qu'il a essayé d'arguer de son immunité et de son inéligibilité. Alors, début mars, la Cour suprême a tranché sur la question de l'inéligibilité de Trump en disant que non, il restait éligible pour les élections de novembre prochain. Eh bien, on verra. Merci, ce sera le dernier mot, Laurence Nardon. Merci infiniment pour vos éclairages. Merci beaucoup. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assaut du Capitole, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Rémi Sistiaga. Affaires Sensibles est un podcast France Inter.